إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى معنا، وما زلنا مع أحكام الصيام، فيعني نتمم حيث توقفنا فيه. تكلمنا عن، أظن أن آخر شيء تكلمنا عنه والله تعالى أعلم، هي يعني مسألة، لحظة لو سمحتم، مسألة نعم، آخر شيء تكلمنا عن الدعاء عند الفطر، الدعاء عند الفطر. فلا لا dernière chose où on s'était arrêté la fois passée والله سبحانه وتعالى أعلم، c'était الدعاء عند الفطر. Qu'est-il conseillé de dire lorsque on doit manger, lorsqu'on rend le jeûne, qu'est-ce qu'on dit? On dit le dua qui est très connu, ذهب الظما وابتلت العروق. Je répète, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Maintenant, si on le dit يعني d'un seul trait, on fait le O, on dit ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Et j'avais dit ici que le hadith qui disait que on commençait par اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت, il est ضعيف. Ça veut dire ces deux phrases on ne les dit pas. On ne dit pas اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظما وابتلت العروق. On ne dit pas le début, on commence directement ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Aujourd'hui on va commencer, on va parler d'abord des muftirat. Quelles sont les choses que si on les fait on a perdu le siyam? Quelles sont les choses si on les fait, on les fait bien sûr yani sciemment, en effet on a perdu, on a annulé le siyam? Premièrement, l'aklu ou shurbu amdan, manger ou boire exprès yani sciemment. On sait et on le fait. C'est pas on a oublié ou là on sait pas. Là, on sait que cette chose, yani si on l'a fait, on annule, mais on va la faire. C'est quoi cette chose par exemple? C'est manger ou boire. Petit 1, manger ou boire exprès, yani sciemment, en tariq al-fam, ou bien par la bouche, manger ou boire par la bouche, ou bien en tariq al-ibir al-mughdiya wa nahwih, ou bien s'injecter des piqûres qui, yani, si je puis dire, yani, qui font manger. C'est comme par exemple quelqu'un qui est malade, etc. Il a besoin de ce qu'on appelle le sérum, etc. Donc si on lui met une piqûre, on lui injecte une piqûre comme ça, c'est comme si on lui a donné peut-être 2 ou 3 steps ou plus. Donc certains avec du sérum, ils peuvent rester 4-5 jours sans manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de manger, mais d'une autre façon, il est en train de manger à travers les veines. Mais c'est comme s'il a mangé normalement. Donc il faut éviter aussi quoi? Les piqûres avec elles on a l'intention de manger. Ça c'est interdit. Toutes les autres piqûres ne sont pas interdites, toutes les autres. Même si elles sont intraveineuses, même si elles sont dans les veines, mais elles ne font pas manger, ce n'est pas interdit. Comme par exemple la pénicilline, elle n'est pas interdite. La piqûre de la pénicilline, elle n'est pas interdite. Même les piqûres, les fortifiantes. À certaines piqûres, on est faible, on les prend pour se fortifier. Celle-là, elle n'annule pas. Celle qui annule, celle que tu prends, exactement, elle est à la place du manger. À la place du manger, et bien sûr, les médecins, savent que ces piqûres ont un nom que je connais pas moi, mais savent les médecins, yani, font la différence entre les piqûres qui font manger et les piqûres qui ne font pas. Tout cela, bien sûr, yani, manger, boire ou se piquer, tout cela, si bien sûr on le fait exprès. Si on le fait exprès, maintenant si on l'a fait involontairement, ou bien on l'a fait tout en état doublé, bien sûr cela, ça n'annule pas. An Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, man akala nasiyan wa huwa sa'im, quiconque, le prophète alayhi wa sallam a dit, quiconque a mangé, yani tout en étant, yani tout en oubliant, alors qu'il faisait le jeûne, qu'il termine son jeûne, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَهُ, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a fait manger ou qui l'a fait boire. Et dans un autre hadith, yani c'est le même, mais il a ajouté, مَنْ أَكَلَا أَوْ شَرِبَ, quiconque a mangé ou bu, tout en oubliant, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il se rappelle, il jette ce qu'il a dans la bouche et il termine la journée. Il termine, il ne dit pas, خلاص j'ai mangé, donc je mange. Non, tu as mangé, tu avais oublié. رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا إِنْ نَسِينَا وَأَخْطَأْنَا, soit tu avais oublié, Allah Azza wa Jal ne donne pas de péché à quelqu'un qui a oublié. Mais il faut que tu te corriges, c'est-à-dire tu jettes ce qu'il y a dans la bouche et tu termines la journée. Et dans ce hadith, dans un autre hadith, وَإِسْنَدُهُ صَحِحْ مِنْ طَرِقَ الدَّارَقُطْنِي عَلَى رَحْمَةُ اللَّهِ, qu'est-ce qu'il a ajouté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a ajouté وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, et ce n'est pas la peine qu'il rattrape un autre jour. Car beaucoup croient que si on mange en oubliant, ils croient qu'on doit rattraper le jour. Tu ne rattrapes aucun jour parce que le fala qada a allé. Bien sûr, l'imam Malik a dit tu rattrapes le jour. L'imam Malik a dit quiconque a bu ou mangé en oubliant, il continue le jour et il rattrape. Et nous, quand on a un hadith sahih, bien sûr, on dit à l'imam Malik a rahmatullah, vous êtes un grand savant, vous avez l'ajr. Quand vous dites vous êtes un grand savant, même quand vous dites quelque chose de faux, vous avez un ajr. Pourquoi? Parce que le grand savant, quand il fait l'ijtihad et il se trompe, il a un grand ajr. Il a un ajr. Mais jamais on ne prend de ce qu'a dit un savant et on laisse de côté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il est sahih et si bien sûr, s'il est dans son sens correct et s'il est dans son contexte. Là, je voudrais rappeler très vite que ce que j'ai dit la fois passée, c'est très important, la règle, que personne n'a annulé son jeûne que s'il a fait une des trois choses. Yani, que le jeûne ne s'annule jamais, sauf si on fait une des trois choses. Ou bien, je vais le dire d'une autre façon, yani, il y a trois choses pour le siyam. Trois choses. Premièrement, yani pour la rupture du siyam. La première des choses, c'est la science. Il faut avoir la science, le ilm, que cette chose annule. Quiconque ne sait pas que cette chose annule, ensuite la fait, son jeûne est sahih, il n'est pas annulé. Apprenez cette règle, barakallahu bikum, elle est très importante. Car on va vous poser des questions, car ça vous arrive même à vous. J'ai fait ceci, je ne sais pas ce que je refais pas. La règle, elle est très simple. Si jamais tu fais une chose en plein jeûne, Ramadan ou bien pas Ramadan, ou bien yani sur érogatoire, tu fais quelque chose qui apparemment annule, mais tu l'as faite parce que tu ne savais pas que cette chose ne se faisait pas et qu'elle annulait. Quiconque fait sans la science, sans le savoir, son jeûne est vrai, il n'est pas nul. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal ne donne pas de péché, il ne fait pas annuler une adoration de quelqu'un qui ne savait pas que cette chose ne se faisait pas. Ça, c'est la règle. C'est pour ça que si quelqu'un, par exemple, fait un rapport avec sa femme en plein Ramadan, ensuite, on lui dit pourquoi tu as fait ça, il dit Wallah al-Azim, je ne savais pas que c'était haram. Je croyais que seulement il ne fallait pas manger, il ne fallait pas boire. Et ça ne m'est jamais venu dans la tête que faire le rapport annule. Celui-là, son jeûne est n'est pas annulé et il n'a ni un jour à rattraper ni 40 ni 60 jours. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Plus que cela, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, et c'est une règle aussi dans la Aqidah, Il a dit, personne ne devient kafir s'il fait quelque chose de kofr et qu'il ne savait pas que c'était du kofr. Naam, quelqu'un, il peut faire quelque chose qui peut le rendre mécréant, s'il le savait. Mais lui, il ne savait pas. Il ne savait pas que cette chose, par exemple, c'était de la mécréance. Il y a certaines choses qui ne savent, certains gens qui ne savent pas. Celui-là, il n'est pas devenu mécréant. C'est la même chose. Donc la première des choses, c'est quoi? Il faut que tu saches que cette chose annule. Quiconque ne sait pas et l'a fait, son jeûne n'est pas annulé. La première des choses. Mais, entre parenthèses, il peut avoir des péchés pour autre chose. C'est pas pour avoir fait la chose, puisque son jeûne n'est pas, alhamdoulilah, n'a pas été annulé. Mais il peut avoir des péchés. Pourquoi? Pour ne pas avoir demandé la science en général. Car Allah Azza wa Jal a dit, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il faut faire, et qu'il faut demander la science, il faut demander. C'est une chose obligatoire. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilmi farida ala kulli muslim. La demande de la science, et la science du din bien sûr, est une obligation pour chaque musulman. Et bien sûr, entre parenthèses, chaque musulman, parce que la musulmane c'est une musulmane. Donc Allah Azza wa Jal peut lui donner des péchés. Pourquoi? Il apprend toutes choses sauf le din. Toi, tu savais que le ramadan était proche, pourquoi tu n'as pas ouvert de livre pour apprendre les choses du ramadan? Pourquoi tu n'as pas acheté des cassettes qui parlent du ramadan? Pourquoi tu n'as pas téléphoné aux ulama pour leur demander du ramadan? Et comme ça, à chaque fois qu'une personne a un rapport avec quelque chose, cette chose devient obligatoire pour elle alors qu'elle n'était pas obligée. Vous par exemple, vous qui êtes en face de moi ou là moi, nous qui ne sommes pas, par exemple, des tujjar, on n'est pas des commerçants. Ce n'est pas obligé pour moi maintenant d'aller lire les règles du commerce. Mais si demain je dis, moi ou toi, même si tu es une femme, tu dis demain je vais commencer le commerce, demain tu es obligé d'acheter des livres qui parlent du commerce et de commencer à étudier le commerce. Qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est halal, est-ce que s'il se trompe, je lui donne quelque chose, est-ce que je la lui rends pas, toutes les règles qui ont rapport avec le commerce. Khalas. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans le commerce. Maintenant, quiconque est célibataire n'est pas obligé d'apprendre les règles du mariage. Dès qu'il veut se marier, il commence, il est obligé à apprendre les règles du mariage. Et comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas obligatoires. Dès que tu veux faire des choses qui ont rapport avec cette chose, les règles de cette chose deviennent obligatoires. Donc quelqu'un qui sent qui va aller au hajj, maintenant il n'est pas obligé de lire les règles du hajj, il n'a pas l'intention, il n'a ni argent ni rien. Parce que entre parenthèses, ce n'est pas un talib ilm, il lit tout bien sûr. Mais dès qu'il a l'intention du hajj, khalas, il faut qu'il commence à apprendre les règles du hajj. Bon, je disais la première condition, il faut avoir le ilm pour que cette chose annule, sinon ce n'est pas annulé. La deuxième des choses, bien sûr, je donne si vous voulez Sandali, c'est quoi? C'est que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Asma, la sœur de Aïcha radiallahu ta'ala anha, a rapporté un hadith où il y avait des nuages qui cachaient le soleil. Eux, ils ont cru que c'était le Maghreb. Ils ont mangé. Ensuite, un quart d'heure après ou là, les nuages se sont dissipés et voilà que le soleil était toujours en plein ciel. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné de refaire. Pourquoi? Parce que ils ignoraient que le soleil était au-dessus de leur tête. Donc quiconque ignore quelque chose, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça n'annule pas son siyam. La deuxième des choses, dhikr, il doit se souvenir. Moi je peux savoir que telle chose annule, mais j'oublie. Non, je sais que par exemple cette chose annule le ramadan. Mais moi j'oublie, je la fais. Donc si, même si tu sais que la chose, il ne faut pas la faire, ensuite tu la fais en état d'oubli, ton jeûne n'est pas nul. Ton jeûne est juste et il est vrai, et tu continues, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man nasiya wa huwa sa'im, quiconque a oublié, alors qu'il faisait le jeûne, fa akala wa sharib, il a mangé et il a bu, fa yutim sawmah. Il continue son jeûne. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné à manger, lui a donné à boire. Donc on a un hadith sahih qui dit que si tu oublies, tu manges et tu bois, tu continues. C'est Allah Azza wa Jal qui a voulu te faire manger, te faire boire. Et troisièmement, il faut avoir l'intention. Yani, tu sais que cette chose annule, ensuite tu n'as pas oublié, tu te souviens que cette chose annule, et ensuite tu l'as fait exprès. Car tu peux savoir qu'une chose annule, et tu peux te souvenir qu'une chose annule, et que tu ne l'as fait pas exprès. Par exemple, tu es en train de faire le wudu, tu arrives à ta bouche, tu sais que si tu vas faire entrer de l'eau exprès, tu vas annuler ton siyam. Mais tu l'as fait rentrer seulement dans la bouche, et voilà que l'eau est descendue toute seule dans ton ventre. Est-ce que c'est toi qui as voulu la faire descendre? C'est pas toi. Donc, ton jeûne est vrai, tu continues, il est sahih. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas l'intention de laisser passer l'eau, c'est l'eau qui est passée toute seule. Ou bien quelqu'un a quelque chose dans la bouche, en train de jouer avec quelque chose dans sa bouche, et ensuite cette chose est descendue dans son ventre. Celui-là, il continue son siyam, il n'a rien, inshallah ta'ala. Tout ça, c'est premièrement les choses qu'il faut manger. Premièrement, je redis, l'akl wa shurb, manger et boire, amdan, yani sciemment, ou bien par la bouche, ou bien par les piqûres dont je venais de parler, yani les piqûres spéciales. Deuxièmement, les choses qu'il faut manger, al-qay amdan, al-qay'u amdan, se faire vomir exprès. Mais quiconque, il ne se fait pas vomir, c'est le vomissement qui sort tout seul, celui-là, il continue son jeûne et il ne rattrape pas un autre jour, il ne rattrape pas. Mais quiconque veut se faire vomir, il dit, j'ai beaucoup de nausées ou j'ai beaucoup de contractions ou je ne sais pas quoi, je sens ma tête tourner, je ne peux pas, alors qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer mon doigt ou là mes doigts dans ma bouche pour vomir. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vomit, ensuite, il doit rattraper un autre jour. Il vomit, ensuite, il essuie, etc. Il lave sa bouche, ensuite il termine le jeûne, et il doit refaire un autre jour à la place de celui-là. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضرعه القي وهو صائم فليس عليه قضاء. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, quiconque, si c'est le vomissement, yani, qui sort tout seul sans le faire sortir, فليس عليه قضاء, il n'a pas un autre jour à rattraper. ومن استقى عمدا فليقضي, et quiconque se fait vomir exprès, sciemment, il se fait vomir, celui-là il doit rattraper un jour. Et le hadith, il est bien sûr chez Sahih Sunan Abi Daoud, Sahih Tirmidhi, Irwa Al-Ghalil, etc. C'est un hadith sahih. Donc conclusion, résumé très vite. Pour le vomissement, si toi tu te fais vomir, tu fais rentrer tes doigts ou là quelque chose dans ta bouche pour vomir, ou là tu te mets dans une position spécialement comme ça par en bas pour vomir, celui-là qu'est-ce que tu fais? Tu rattrapes le jour. Mais si le vomissement sort de lui-même sans que tu le veuilles, ça, tu termines ton vomissement et tu ne rattrapes pas le jour, inshallah ta'ala. Troisièmement, j'avais dit, donc premièrement le manger, le boire et les piqûres, deuxièmement le vomissement, sciemment. Troisièmement, الحيض والنفاس إذا وقع قبل غروب الشمس ولو بلحظات. Si une femme avait jeûné toute la journée parce qu'elle était pure, ensuite il reste une minute, c'est tout, une minute ou là quelques secondes avant le coucher du soleil. Le soleil ne s'est pas couché. Quelques secondes et voilà que elle a les menstrues. Celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit rattraper ce jour. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ça veut dire, s'il reste quelques secondes avant le coucher du soleil, et tu manges, tu bois, ou là tu as les lochis, ou là tu as les monstrues, alors ta journée elle est perdue. Donc, quiconque des femmes a les monstrues, et quelques secondes ou là une minute avant le coucher du soleil, ça veut dire, elle doit rattraper son jour. Là, je n'oublierai pas de dire que quand une femme a les menstrues et par exemple c'est le contraire, elle a maintenant les menstrues, ensuite elle se purifie par exemple quelques secondes avant Salat al-Maghrib. La plupart des ulama ont dit, dans ce cas qu'est-ce qu'elle doit faire, elle doit faire la Salat du Asr, parce qu'elle est en plein Asr, le Maghrib n'est pas rentré, il reste quelques secondes, donc celle-là elle doit faire la Salat du Asr et elle doit faire le Zohr avec elle. Beaucoup d'ulama ont dit cela, beaucoup, beaucoup. Et beaucoup de sahaba ont dit cela. Même Imam Ahmed a dit, je ne connais personne qui n'a pas dit cela, sauf quelqu'un, je crois qu'il a dit Hassan al-Basri. Il est le seul à dire, elle fait seulement la prière du Asr. Et Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, des fois il dit les deux, des fois il dit, elle fait seulement le Asr. Des fois, dans certains livres, vous trouverez, il dit, elle fait seulement le Asr, parce que Allah Azza wa Jal ne lui a ordonné que le Asr. Elle est en plein Asr, c'est tout. Et il se base sur un hadith. Et dans d'autres livres, il dit, c'est plus prudent, pour plus de précautions, elle fait le Asr, elle fait le Dhuhr. Et la même chose, si elle se purifie avant le Fajr, elle se purifie de quelques secondes avant Salat al-Fajr, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la Isha et elle fait le Maghreb. Elle fait Salat Isha, elle fait Salat Maghreb. Et Cheikh Ibn Uthaymin a aussi ici les deux cas. Des fois il dit elle fait les deux, des fois il dit elle fait la Isha. Ça dit c'est troisièmement. Quatrièmement, le djima. Quatrièmement, quand quelqu'un fait le rapport avec sa femme. Et il faut le kafara. Si quelqu'un fait le rapport avec sa femme, bien sûr, il faut le kafara. Le kafara, c'est quoi? C'est ce qu'on va, inshallah ta'ala, dire maintenant avec des détails. On va donner d'abord quel est le délit que si quelqu'un fait le rapport, il a la kafara. La kafara, vous savez, c'est quoi? C'est faire deux mois consécutifs. Deux mois consécutifs, mais on ne commence pas par les deux mois. On commence par affranchir un esclave. Si on ne peut pas, on doit faire le jeûne deux mois consécutifs. Si on ne peut pas, on doit faire manger 60 pauvres. 60 pauvres. Si on ne peut pas, on doit faire un jour le carême. On va donner, inshallah ta'ala, les détails pour cette chose. An Abi Huraira, l'expiation. Naam, l'expiation. Jazakallahu khairan. An Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, قال إلى دي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم alors que nous étions assis chez le prophète صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال alors que quelqu'un est venu et a dit au prophète صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلكت au prophète j'ai perdu ou là je suis un perdant يعني j'ai fait quelque chose de grave قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك. Le prophète Sansum a voulu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as fait? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sa'im. Yani j'ai fait un rapport avec ma femme. Yani on est en plein Ramadan, j'ai fait le rapport avec ma femme. Qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Est-ce que tu peux affranchir un esclave? Est-ce que tu peux affranchir un esclave? Qala la. Il a dit non, je peux pas affranchir un esclave, ça demande de l'argent. Bien sûr. Il a dit non, je peux pas. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ Est-ce que tu peux faire le jeûne 60 jours suivis? 60 jours sans t'arrêter, 2 mois. قال لا, il a dit non, je peux pas. قال فهل تجد اطعاما 60 مسكينا? Est-ce que tu peux faire manger 60 pauvres? Tu vas les faire manger. C'est pas يعني obligé en une fois, c'est pas obligé en une fois. قال لا, il a dit non, je peux pas. قال أبو هريرة فمكث النبي صلى الله عليه وسلم donc le prophète صلى الله عليه وسلم s'est tu خلاص puisque celui-là il peut pas il s'est tu et je ne sais pas ce qu'ils ont fait ils ont continué à parler d'autres choses ou je ne sais pas quoi فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق alors que nous étions assis et Abu Huraira continue le hadith il dit alors que nous étions assis يعني voilà que on a donné au prophète صلى الله عليه وسلم يعني quelqu'un est venu avec un grand sac comme ça, plein de dattes, c'est quelqu'un qui l'a ramené pour la sadaqa, il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, il lui dit, yani, donne-le aux pauvres. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ayna sa'il? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est celui qui a demandé la question tout à l'heure? Où est celui qui a dit, j'ai fait le rapport et je suis perdant? Où est-il? Il a dit, أنا فقال أنا جسويلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم alors le prophète lui a dit خذ هذا فتصدق به alors prends ces dates prends ce couffin ou laisse ce sac plein de dates et يعني fais manger 60 pauvres فتصدق به يعني fais manger 60 pauvres فقال الرجل alors l'homme a dit l'homme qui a pris les dates a dit, Allah afqar minni ya Rasulullah, est-ce que je donne ces dates à quelqu'un qui est plus pauvre que moi? Ça veut dire, il voulait dire, ya Rasulullah, il n'y a pas plus pauvre que moi. Toi qui me dis, donne ça aux gens, donne aux pauvres. Et moi je suis pauvre. Ensuite il a juré, il a dit, فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا أَهْلَ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ. Il a dit, je jure par Allah que, parce qu'ils étaient à Médine, que le Médina a dit, Médina, il n'y a pas quelqu'un dans la ville elle est plus pauvre que moi. Il a juré, il a dit, Wallah, il n'y a pas quelqu'un plus pauvre que moi. Ici le Rodama on dit, on peut jurer de quelque chose, yani, pour jurer, il ne faut pas y être sûr à 100%. Est-ce que celui-là, il est allé dans chaque porte de la ville Médina, chaque porte, chaque maison, il a demandé, est-ce qu'il y a plus pauvre que moi? Mais quand même, il a juré, il a dit, yani, d'après, ça s'appelle Van Rajah, d'après ce qu'il y a dans mon cœur, je suis le plus pauvre. Alors je dis, Wallah, je suis le plus pauvre. C'est pas la peine que j'aille aller chercher dans toutes les maisons combien ils ont d'argent, combien ils ont de blé, combien ils ont d'orge pour jurer. À peu près, je sais que je suis plus pauvre. Et c'est pour ça qu'il a même juré. Il a dit, Wallah, il n'y a pas. Alors que peut-être qu'il y a. Parce qu'il n'est pas allé dans chaque maison, il a demandé. Un mohem. Quand il a dit, Wallah, ya Rasulallah, il n'y a pas plus pauvre que moi. Dans toute la ville de Medina. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم a ri jusqu'à ce que on a vu يعني les dents, les grandes dents qui sont à droite et à gauche. Car le prophète صلى الله عليه وسلم ne riait presque jamais cette façon de rire. La plupart du temps il souriait. Mais quand il y a quelque chose qui le faisait rire, des fois il riait jusqu'à ce qu'on voyait les grandes dents à dos. Sont à droite et avec lesquels on marche, sont à droite et à gauche. Donc, les Sahaba, hatta des fois, ils notent, ils disent, tiens, ce jour-là, par exemple, dans cette histoire-là, il a ri jusqu'à ce qu'on a vu les grandes dents à dos. Donc, c'était très rare qu'il riait. Bien, celui-là, il l'a fait rire. Donc, et le prophète, alayhi sallam, il lui a dit, at'im ahlak. Alors, prends-les et fais manger ta famille. Donc, regardez, quelqu'un quand il est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, yani, lui rend l'appareil. Allah azza wa jal lui rend l'appareil. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, in tasduq Allah yasduqka. Si tu es sincère avec Allah, il yasduq Allah yasduqka. Alors regardez, celui-là, il a fait une grande faute. Laquelle? Subhanallah al-Azim, il a fait le rapport en plein Ramadan. Ça, c'est une grande faute. Ça, c'est un grand péché. Et ensuite, comme il était sincère, et il est allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui a raconté, il cherchait la solution. Regardez, c'est quoi le résultat? Il est revenu, non seulement il n'a pas de péché, mais encore, il a fait le rapport et il est revenu avec un sac plein de dattes à la maison. Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quand quelqu'un est sincère avec Allah Azza wa Jal, regardez, alors que normalement quelqu'un fait quelque chose comme ça, il a fait un grand péché. Hein? Mais celui-là, comme il était sincère, il est allé chercher la solution chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté, il lui a pas craché, etc. Regardez comment qu'il est revenu avec un sac plein de dattes à la maison. Subhanallah al-Azim, wa man ittaqillah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Donc quelqu'un, qui fait un rapport en plein Ramadan, il a fait 5 choses. Yani, il y a 5 choses qui rentrent avec lui, 5 ou bien 4. Ils ont 5 choses. Premièrement, en général, je ne parle pas de ce sahabi radiallahu ta'ala, je parle de quelqu'un qui fait un rapport en plein Ramadan. Premièrement, il a l'ithm, il a des péchés. Il a des péchés pour avoir fait ce rapport, bien sûr, sauf s'il l'a fait. Yani, en oubliant, on va parler de l'oubli dans le rapport. Premièrement, les péchés. Deuxièmement, il a annulé la journée. Troisièmement, il doit continuer à jeûner. Continuer. Ça ne veut pas dire qu'il a fait le rapport, il va dire khlas. Puisque la journée est annulée, allez, maintenant je vais manger. Là, tu commences, yani, tu continues le jeûne. Troisièmement. Quatrièmement, qada al-yom. Il doit rattraper le jour. Cinquièmement, kafara. il a franchi l'esclave, ou là il fait 60 jours consécutifs, ou là il fait manger 60 pauvres. Je répète, quand quelqu'un fait le rapport en plein Ramadan, il y a 5 choses qui s'attachent avec lui. Premièrement, les péchés, ithm. Deuxièmement, il a annulé le jour. Troisièmement, il doit continuer le jeûne, ne pas manger. Quatrièmement, il refait le jour. Et cinquièmement, il a le kafara, kafara l'expiation. Maintenant, les ulama disent, s'il fait le rapport tout en oubliant, en état d'oubli, bien sûr, il n'a ni le jour à rattraper, il n'a ni le kafara, ni l'expiation. Ça, s'il fait le rapport tout en état d'oubli. Mais les ulama eux-mêmes se sont demandé, ils ont dit, mais c'est un peu difficile, yani, de concevoir cette chose. C'est un peu difficile de concevoir que quelqu'un fasse un rapport avec sa femme, peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure, je ne sais pas combien de temps, sans qu'il se rappelle. Et si lui ne se rappelle pas, comment elle ne se rappelle pas? Ils ont dit, c'est presque impossible. Mais ils ont dit, c'est possible, par exemple, dans un cas, quel cas, ils disent, par exemple, ils vont à Umrah. Ils vont dans une Umrah, par exemple, en plein Ramadan. Vous savez que la Umrah, dès qu'on termine le Safa ou le Marwa, dès qu'on coupe les cheveux, dès qu'on se coupe les cheveux, pour la femme, elle coupe juste comme un doigt, et l'homme, ou bien il se rase, ou bien il coupe seulement. Dès qu'on enlève les cheveux, khalas, yani on est libre. Et la plupart des gens, quand on leur dit, quand vous coupez les cheveux, khalas, vous êtes libre, ça veut dire vous pouvez tout faire. Est-ce que vous pouvez tout faire, ça veut dire vous pouvez faire le rapport avec votre femme. Donc certains qui partent la Umrah en Ramadan, dès qu'ils se terminent les cheveux, ce qui leur vient dans la tête, la première des choses, c'est qu'il peut maintenant faire le rapport avec sa femme. Donc qu'est-ce qu'il oublie? Il oublie qu'on est en Ramadan. Voilà là comment qu'il peut oublier, et il peut faire le rapport. En ce sens, peut-être, les ulama ont dit, peut-être en ce sens, quelqu'un peut oublier qu'il est en Ramadan, il fait le rapport. Mais pour dire que comme ça il est chez lui, il va faire le rapport et il l'oublie, enfin, c'est possible que ça se fasse, c'est possible. C'est pour ça que nous on apprend aux gens, maintenant ça se fait ou ça se fait pas, on leur apprend que si jamais quelqu'un le fait en état d'oubli, il n'a ni jour à rattraper, il n'a ni kafara. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure la règle que pour que ça soit annulé, il y a trois choses. L'une des trois, c'est quoi? C'est il faut ne pas oublier, alors que celui-là a oublié. Maintenant, à la même kata al-kafara, supposons que quelqu'un a fait un rapport sciemment, il l'a fait en plein Ramadan. Maintenant, qui fait la kafara, l'expiation, affranchir l'esclave 60 jours, etc. Qui doit les faire, l'homme, ou bien l'homme et la femme, ou bien la femme seulement? Bien sûr, les ulama ont divergé dans cette chose-là, et il n'y a personne qui a dit la femme seulement. Ils ont dit, ou bien c'est l'homme, ou bien c'est les deux. Ceux qui ont dit l'homme seulement, c'est comme celui-là ici, l'Aweisha, et Cheikh Al-Albani aussi. Cheikh Al-Albani a dit, seul l'homme fait, la femme ne fait pas. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, les deux doivent faire, l'homme et la femme. Ceux qui ont dit, seul l'homme doit faire, ils se sont basés sur ce hadith. Ils ont dit, regardez, bien sûr c'est Cheikh Al-Albani, il a dit, regardez, cet homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, j'ai fait le rapport, je suis perdant, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu peux affranchir, est-ce que tu peux faire le 60 jours, est-ce que tu peux faire manger 60? Il ne lui a jamais parlé de sa femme. Il ne lui a jamais parlé de sa femme, dit à sa femme de faire ceci et cela. Il lui a dit donc, les ulama se basant sur ce hadith, comme Cheikh Al-Albani a dit donc, seul l'homme doit faire. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit non, les deux doivent faire. Pourquoi? Il a dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé à l'homme, ça veut dire qu'aussi, il voulait parler aussi de la femme. C'est pas la peine de lui dire. Car, comme l'homme a fait, la femme a fait la même chose avec lui. Non, la femme a fait la même chose avec lui. Ensuite, si par exemple, les deux partent au hajj, ensuite, ils font un rapport avant d'avoir terminé, avant le tahallul awal, qui est-ce qui va perdre le hajj? L'homme seulement ou l'homme ou la femme? L'homme ou la femme, les deux vont perdre le hajj. Et les deux doivent continuer le hajj, mais revenir l'an prochain pour le refaire. Car les deux ont annulé leur hajj. Ils ont dit pourquoi? là-bas, on fait rentrer la femme, son hadj est annulé, et ici, son siyam n'est pas annulé. Pourquoi? C'est pour ça que moi, Inch'Allah Ta'ala, je penche à celui qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, quoique j'aime beaucoup l'Albani, et c'est pas une question d'aimer quelqu'un ou de détester, c'est une question de délire. Maintenant, même logiquement, pourquoi l'homme et la femme ont fait le rapport, pourquoi seulement l'homme qui va payer? Peut-être même c'est la femme, des fois, peut-être c'est elle qui l'a incité. Maintenant, pourquoi? Peut-être même c'est elle qui l'a excité. Pourquoi maintenant c'est lui qui va payer et elle ne va pas payer? C'est d'après moi, enfin, à quoi je penche, c'est comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin. Les deux étaient responsables. Naam. Les deux étaient responsables. Lui, il ne l'a pas fait seul. Il l'a fait avec elle. Il n'a pas poussé. Lui, il l'a fait avec elle. Donc, les deux ont annulé leur siyam et les deux ont la kfara. Chacun des deux doit faire 60 jours ou doit faire manger 60. Bien sûr, ce n'est qu'un avis que j'ai choisi. Peut-être que vous, Inch'Allah Ta'ala, vous aimez le skadi Sheikh Al-Albani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de la femme, il a parlé seulement de l'homme, et que vous choisissez celui qu'a dit Cheikh Al-Albani à rahmatullah. L'essentiel c'est quoi? C'est de choisir un choix, pas un choix de shahwa, un choix de ilm. Ça veut dire, je vois dans les dalils, je me dis, cet avis par exemple est plus convaincant que l'autre avis, vu ceci, vu cela. Mais c'est pas, il dit, Wallah, croyez-moi, je choisis plus simple. Plus simple ici, je choisis celui qui me plaît. Il m'a plu à ce qu'il a dit ici. Je choisis celui-là. On choisit, yani celui, Inch'Allah Ta'ala, le plus convaincant. Le plus convaincant. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Autre chose. En ce qui concerne le kafara, que ce soit maintenant pour l'homme seulement, pour les deux, si jamais il y a un rapport, on n'a pas le droit de choisir. C'est-à-dire, on commence par l'affranchissement de l'esclave. Si on vit dans un pays où, là où il y a des esclaves, on n'a pas le droit de dire je vais faire le jeûne 60 jours. Non, tu es obligé de commencer par affranchir un esclave. Non, tu commences par affranchir un esclave. Si on vit dans un moment, un temps où il n'y a pas d'esclave, tu vas deuxièmement à quoi? À essayer de jeûner 60 jours. Si tu ne peux pas jeûner 60 jours, tu sais que tu es malade, tu sais que tu ne peux pas, regardez celui-là. Directement, il a su qu'il ne pouvait pas. Il est sincère. C'est pas quelqu'un qui joue comme ça. Il ne joue pas, il est sincère. Et alors, celui-là, je ne peux pas. Je ne peux pas 60 jours, hein, je te dis la vérité. Allons, passons à autre chose. Sans passer aux troisième chose, et je ne peux pas. Bon, passons à la quatrième chose. Tiens, prends les dates, va les donner. Non, c'est moi qui les prends, moi je suis pauvre. Ah, c'est quelqu'un de sincère. Tu ne peux pas les 60 jours, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire manger les pauvres 60 pauvres. Tu choisis 60 pauvres, ce n'est pas obligé le même jour. Aujourd'hui un, dans une semaine un deuxième, dans 10 jours, je fais manger 3 à la fois, en bas je fais manger 1, en bas 6, d'après combien j'ai d'argent, et d'après combien j'ai de temps, etc. etc. El Mouhim, avant de mourir, et avant que l'autre Ramadan arrive, il faut que tu aies mangé, et fais manger, pardon, 60 pauvres. Ensuite, si tu peux pas, si on peut pas y aller jeûner, on descend aux 60 pauvres. Maintenant, si on peut pas faire manger les 60 pauvres, il y a un hadith que Cheikh Al-Albani a dit sahih, bi majmou' al-turuq fi arwa al-ghalil, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'a pas pu, il lui a dit affranchi, il a dit je peux pas, il a dit fais le jeûne 60 jours, il a dit je peux pas, il a dit fais manger 60 pauvres, il a dit je peux pas, il lui a dit alors rattrape un jour à la place du jour. Ça c'est la solution. Celui qui peut rien faire, il a la quatrième solution, c'est quoi? De rattraper un jour à la place du jour qu'il a où il a fait le rapport. Et ça c'est un hadith sahih, bien sûr. Maintenant, en ce qui concerne kafara, quelqu'un qui n'a pas par exemple d'argent, ou bien il a seulement ce qui lui suffit à lui et à sa famille. Est-ce que celui-là, il va faire manger 60 pauvres? Supposons, je donne un exemple, supposons que pour manger 60 pauvres, par exemple, il faut, par exemple, là, moi, je connais pas les euros, je parle à peu près, disons 60 euros. 60 euros pour manger 60 pauvres. Je sais pas, 60, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Elle moi-même. Maintenant, moi, à la maison, j'ai pour ce mois, j'ai 60 euros cachés à la maison. Est-ce que je dis, je vais prendre les 60 euros, je vais faire manger les pauvres, ou bien je dis, mais si je les fais manger, je reste moi sans manger et mes enfants. Comment je vais faire? Est-ce que je les fais manger ensuite? Je vais à la mosquée demander aux gens de me donner à manger à moi et mes enfants? L'islam a dit comme ça? Non, l'islam n'a pas dit comme ça. L'islam a dit, tu fais manger les pauvres si tu as de l'argent en plus. Yanni, tu as de l'argent à la maison caché. Ce n'est pas tu as l'argent avec lequel tu vas manger. Naam, tu as de l'argent caché avec lequel tu veux aller te promener. Tu vas l'argent caché avec lequel tu veux acheter des vêtements en plus. Celui-là, il doit les faire manger. Mais celui qui a de l'argent juste pour manger ou juste pour acheter des vêtements, sinon il va rester nu, celui-là, il n'est pas obligé. Et la kfara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend à autre chose, c'est-à-dire il va faire un jour, il va faire un jour à la place de faire manger les 60 pauvres. Ensuite, il y a quelque chose de très important dans le siyam. هل استمناء بمباشرة الرجل زوجه أو باليد يفسد الصوم؟ Est-ce que si l'homme par exemple, non par exemple, en est-ce que l'homme par exemple, quand il enlace par exemple sa femme en plein ramadan, ou bien qu'il l'embrasse par exemple, ou bien il voit quelque chose d'elle, ensuite il y a le liquide séminal qui est sorti de lui, ça veut dire qu'il n'a pas fait de rapport, mais en l'embrassant ou là en l'enlaçant ou là en jouant avec elle, ensuite il a fait sortir le liquide séminal, est-ce que son jour, là, il est parti, ou là, il a la kfara, ou là, il n'a pas, etc. Qala Sayyid Sabiq, rahimahullah, Sayyid Sabiq, ma'ouf, celui-là, c'est un égyptien, il a un livre qui s'appelle Fiqh Sunnah, il est très connu, et je ne conseille à personne de lire ce livre, s'il ne lit pas avec lui, Tamam al-Minna du Sheikh al-Albani. Parce que Sheikh al-Albani, Andou Ta'liqat, il a corrigé ce livre, qui s'appelle Fiqh Sunnah de Sayyid Sabah. Donc le livre de Sheikh Al-Albani s'appelle Tamam al-Minna, très important, il marche avec ce livre. On ne peut pas lire le livre, il est tout seul. Qu'a dit Sayyid Sabah, alayhi rahmatullah? Il a dit, ma yubtilu siyam, bab, yani chapitre, quelles sont les choses qui font annuler le siyam? Il a dit, al-istimna, faire descendre le liquide séminal, faire descendre, yani jouir, faire descendre le liquide séminal, savoir on a qu'un abisababi, taqbili rajul zawjatahu, soit lorsque l'homme embrasse sa femme, ou bien il l'enlace, ou bien avec sa main. Il a dit tout ça, ça annule le siyam et il doit faire un autre jour à la place. Il a dit, ça annule le siyam, il doit faire un autre jour à la place. Qala Sheikhuna, qala al-Albani rahmatullah, la dalila على الإبطال بذلك. Il a dit, il n'y a aucun dalil qui dit que quiconque fait ce que je viens de dire, qu'il a annulé son jour. وإلحاقه بالجماع غير ظاهر. Car ceux qui ont dit il a annulé, il a dit parce que ça ressemble au rapport, il n'y a pas de différence. Quelqu'un quand il fait un rapport, il y a quelque chose, le liquide qui sort, maintenant le liquide est sorti, c'est la même chose. Qu'il ait fait un rapport, il n'a pas fait le rapport, c'est la même chose. Il a dit, Sheikh Al-Albani, non, ça ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que quand on fait un rapport, c'est autre chose. On le fait avec une femme, et quand on embrasse seulement ou là, on n'a pas fait le rapport, c'est pas la même chose. C'est pour ça que quelqu'un, quand il est au Hajj, il fait un rapport, son Hajj est annulé. Khalas, il le fait avant le Tahallul Awal. Son Hajj est annulé, il continue le Hajj, et il revient l'an prochain, il refait le Hajj. Mais si, s'il fait avec sa main ou là il fait descendre le liquide, il n'a pas annulé le Hajj. Voilà la grande différence. Donc il y a une grande différence entre faire un rapport pour faire sortir le liquide et le faire sortir sans rapport. D'ailleurs la grande différence c'est quoi? C'est que quelqu'un quand il fait par exemple avec une femme et il fait descendre le liquide, c'est pas sa femme. Yanni, ne va-t-on pas le fouetter sans coup de fouet s'il n'est pas marié, célibataire, quand il est sorti du pays une année, et on va le lapider jusqu'à la mort s'il est marié à Stenzani, alors que s'il fait avec la main, la même chose, il a fait sortir le liquide. C'est le même liquide, il l'a fait sortir, et pourtant, on ne le fouette pas son cou et on ne l'apite pas. Hein? On lui fait des choses. Hein? Le gouverneur peut lui faire des choses, peut le frapper 4 à 5 coups de fouet, peut l'emmener en prison, peut lui dire tu dois payer de l'argent. Il lui fait ce qu'on appelle taser. Il lui fait ce qu'on appelle taser pour avoir fait avec sa main. El Mohim. Donc ce n'est pas vrai, Cheikh Al-Albani a dit, ce n'est pas vrai que descendre le liquide en embrassant sa femme ou là, que ça annule le siyam. Ça annule le siyam, il a dit, ça n'annule pas. Comme bien sûr, ensuite, Cheikh Al-Albani va donner ici beaucoup d'adillah. Parmi les adillah, Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit dans le hadith sahih, quelqu'un lui a demandé, « Ma yahidlu li rajuli min imra'ati sa'iman » Qu'est-il permis, quelqu'un a demandé à Aïcha radiallahu ta'ala anha, qu'est-il permis à l'homme, quand il est en plein jeûne, de faire avec sa femme? Elle a dit, « Kulla shay'in, yaf'alu kulla shay'in illa al-jima'a » Il peut tout faire, sauf le rapport. Il peut tout faire, sauf le rapport. Quand on dit tout faire, ça veut dire l'enlacer, ça veut dire l'embrasser, ça veut dire sauf le rapport. Ensuite, Cheikh va donner beaucoup d'autres hadiths à part. Yani, les sahaba ici dans ce sens que, yani, on peut faire beaucoup de choses, mais à condition de ne pas quoi, de ne pas arriver au rapport. Il va donner ici quelques affaires, je ne sais pas maintenant où ils sont, ce sont des affaires sahiha, je crois que ça va venir dans un autre chapitre, où il est dit que certains ont demandé à Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, est-ce que je peux embrasser quand je suis en plein jeûne? Il lui a dit bien sûr, tu peux embrasser. Il lui a dit, est-ce que je peux faire le Mubashara? Mubashara, c'est plus qu'embrasser. Il lui a dit, tu peux plus qu'embrasser. Ensuite, il lui a dit, est-ce que je peux même mettre ma main sur son membre? Il lui a dit, oui, tu peux faire même cela. Donc, tout cela est permis pendant le ramadan. Mais là, une chose très importante, je dois la dire avant de terminer, parce que j'ai terminé. Je préfère ne pas rentrer dans un autre chapitre. Quelle est cette chose? Cette chose-là, c'est que quand on dit qu'une chose est permise, ça ne veut pas dire que cette chose est conseillée. Il faut bien faire la différence entre une chose est permise et une chose est conseillée. Qu'est-ce que ça veut dire permise? Permise, ça veut dire que si jamais je l'ai faite, je n'ai pas annulé. Je n'ai pas annulé mon siyam est sahih. Mais quand on dit conseiller, ça veut dire on dit aux gens, faites-la, elle est bien. Ces choses-là, les ulama ont dit, il faut essayer au maximum d'éviter ces choses-là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith hassan, un hadith bon, quelqu'un est venu lui demander, lui a dit, est-ce que je peux embrasser ma femme? Il lui a dit oui, et il était vieux. Ensuite un autre est venu, un jeune, il lui a dit, est-ce que je peux embrasser ma femme? Il lui a dit non, et il était jeune. C'est pour ça qu'Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit, on peut tout faire en plein jeûne, mais elle a dit, quiconque de vous peut se retenir comme se retenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la mouchkila, ce qui n'est pas permis que tu embrasses ta femme. Mais donne-moi des dalils que tu vas t'arrêter seulement à l'embrassement Adam. Tu ne vas pas aller plus loin. Donne-moi des dalils. Tu ne pourras pas. Tu vas commencer par cela, qui n'est pas haram bien sûr. Ensuite, tu vas terminer avec d'autres choses. Surtout le shaitan, il va venir, il va dire, puisque ce n'est pas interdit, alors fais-le, Inch'Allah Ta'ala, tu vas t'arrêter. 5 minutes, tu vas t'arrêter, essentiel, tu n'arriveras pas au rapport. Non, moi, je vais te dire que tu vas arriver au rapport. Tu vas arriver avec le shaitan. Pourquoi? Parce que, surtout pour quelqu'un qui est jeune, surtout pour quelqu'un qui est nouveau marié, surtout pour quelqu'un qui a une femme belle, surtout pour quelqu'un qui... etc., etc. C'est pour ça que, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Si tu veux, yani, pour ne pas rentrer dans de grands problèmes, ensuite tu vas passer tout le mois, au lieu d'être content, tu vas passer tout le mois, yani, dans, yani, qui va chez Rolo, chez Zafan, yani, tu vas trouver le mot, tu vas trouver tout le mois là-bas, yani, en train de penser, etc. Pourquoi? Parce que le shaitan va te dire, vas-y, inshallah, c'est pas grave. Et ensuite, comme j'ai dit, tu vas rentrer dans le haram. Ensuite, tu vas avoir 60 jours. Et 60 jours, ce n'est pas une chose facile. Hein? Les gens, ils vont faire l'aïd, etc. Et toi, tu vas à nouveau faire 60 jours. C'est très, très, très difficile. soucieux. Naam, soucieux. Naam, les gens fait en ramadan, yani gay, en train de faire les tarawih, etc. Et toi, la chose, dis-toi que la chose ne dure que 5 minutes. La chose ne dure pas, le plaisir elle ne dure pas plus de 5 minutes. Ensuite, tu as 2 mois qui sont en train de t'attendre, 2 mois très difficiles, 2 mois consécutifs. Si jamais tu manges un jour, tu repars à zéro. À chaque fois que tu manges un jour, tu reprends à zéro. Yani, c'est très difficile. C'est pour ça que je demande à tous mes frères et mes sœurs de s'éloigner. Yani, s'ils veulent, yani, bien sûr. On dit pas aussi, comme disent les autres, que pendant le ramadan, yani, il est interdit de toucher sa femme, ni de yani, l'enlacer comme ça, yani, en train de jouer. Tout ça, on peut le faire. Yani, certains gens, yani, c'est le contraire. Hein, il la voit dans la chambre, il va changer de chambre. Il va même passer la journée chez les voisins s'il peut. Il descend seulement la nuit. Ça aussi, c'était pas de l'islam. Yani, il faut être à moitié, ni faire ce qu'il faut pas faire, ce qui pousse au rapport, ni, yani, ni jouer, ni la toucher, ni mettre sa main sur ses cheveux. Là. Tout ça aussi, comme je viens de dire, c'est ta'assoub pour ceux qui savent pas, car il y a beaucoup de gens qui croient que si jamais tu regardes ta femme là, tu lui souris, il te dit tu refais le jour. Alors si jamais tu lui fais la bise sur les joues, ah oh, ça c'est très grave. Ça c'est très grave toi, khlas. Alors si tu lui dis je l'ai embrassé, celui-là il va te dire, toi ma parole, tu as ramené un din nouveau. On n'a jamais entendu ce din, un din nouveau. Alors si tu lui dis ce que je venais de dire, que vous pouvez faire plus que cela, celui-là il va nous prendre pour des fous, ou bien ils vont nous dire vous faites des bid'a. Donc c'est pour ça que je donnais un conseil, je disais que de préférence de s'éloigner au maximum. Pourquoi? Pour ne pas tomber par la suite dans les soucis, etc. Car ça, c'est difficile de faire de moi. Ensuite chacun dira à l'autre, c'est toi qui m'as poussé, l'autre lui c'est toi qui m'as incité, toi qui as fait cela, toi qui as fait cela, c'est à cause de toi. Maintenant c'est trop tard. Il fallait auparavant prendre ses marques, yani, être conscient de ce qu'on fait, et inshallah ta'ala, pour que le siyam soit une adoration, pour que le siyam, yani, pour que on profite au maximum, yani, de hasanat pendant ce mois. Voilà ce que je voulais dire inshallah ta'ala. Le prochain dars inshallah ta'ala, c'est les choses qu'on peut faire. J'ai pas encore parlé des choses qu'on peut faire pendant le ramadan. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et que beaucoup de gens ne connaissent pas. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.